Mike, Six, Transair Cargo, Serge Kadima. Mami Bossela, Gouve Mwana Zamba, Ferro Chanda, Denis Belou. Na bo sanite mokolo liboso tokuta na kana ya Ezalaka, mokolo yango Incertesa Medina, Brasa, Notel, Ondan, Gomo, Kwaye Souci est comme si la zone n'a pas eu de conflit comme la Katia Boligo. La limite est la zone et nous avons chambre Établissement Escas, présent samouraï, garage, Pesa, Pécho, Maître Viki. Samedi, Nantel, on a un bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon Black Hindu, Gima Sukula. Samedi n'était l'ondango, mon parce que ça va m'appeler. Y'a mon Patidia Sibu. Y'a pas comme on a na chérie, y'a un gars qui est en lisano. Luka Koutana, n'a pas de patate, l'on n'a pas de moi. Kotana, n'a pas de jumelle, n'a pas de plaisir. Luc Maboti, Tamara Kitoko, Papinella. Samedi, n'a pas de l'autre, l'on n'a pas de l'autre, l'on n'a pas de l'autre. Est-ce que Okoya est président Motana? Est-ce que Nakozoma le jeune Kabosé? Nakoki comme cela ma veste qui n'a pas ni oui, que n'a pas le nom de mon poids. Oh, je suis en train de me faire. Yo, mon bali n'a pas le nom de mon poids. Yo, mon bali n'a pas le nom de mon poids. J'en ai fait mon zoom.